J'avais rien à faire, j'étais tranquille. Je tourne un rond dans la maison. Le téléphone sonne, c'est Shirley. Elle me demande ce que je fais, je lui dis que je fais pas grand chose, mais que de toute façon, j'aimerais ça si elle venait faire un tour à la maison. Un peu plus tard, Shirley arrive, elle me demande d'y composer. Une tune parler comme à radio, une tune pour la faire danser. Je prends ma méthode de guitare, je m'en vais pratiquer chez Oscar. Pour essayer d'y composer une tune de rap. Vous connaissez Shirley, elle voulait entendre du rap à Billy. Le rap à Billy, vous connaissez? Ça fait que moi et Shirley, on filait bien. On décide de descendre downtown, dans le centre-ville, pour aller faire le tour des discos. Shirley, elle aime les discos. Ça fait qu'on a dansé toute la journée puis toute la soirée. Le disc jockey faisait jouer du rock'n'roll puis du reggae, puis pas mal de rockabilly, puis buffalula, blue sweat shoes, puis toutes ces affaires-là, Shirley, elle aime bien ça. Mais à un moment donné, c'est décidé ben, d'aller voir le disc jockey. Il a dit, pourrais-tu faire jouer du rockabilly? Connais-tu ça du rockabilly, toi? Je veux dire, si tu connais pas ça, va bien falloir qu'un jour t'en écoutes. Le rap à qui? Le rap à quoi? Le rap à Billy. Le rap à Billy. Après ça, on est allé dans un party, moi et Shirley. Ça a bien tombé parce qu'il faisait jouer du rap à Billy. Shirley, t'as content? Tu sais comment ce que c'est? Toute la soirée, ils ont joué du rap comme les Noirs de New York. On a dansé, puis à un moment donné, j'ai une fille qui est venue me parler. Elle m'a dit dans le creux de l'oreille, connais-tu ça, da-da-da? J'ai dit, do-a-dé-dé. Shirley m'a regardé, j'ai dit, y'a rien là, c'est du rap. Tout le monde rap ici, ça fait que moi, je rap avec le monde, Shirley. Tout le monde vient me parler, ça fait que moi, je rap comme les Noirs de New York. Il y a une autre fille qui vient me dire, ça me provoque, je m'ennuie du rap. J'ai dit, tu devras faire comme Shirley, écouter du rap, ça va te calmer. Le rap qui? Le rap quoi? Le rap à Billy. Le rap à Billy. Le rap à qui? Le rap quoi? Le rap à Billy. Le rap à Billy. Le rap à qui? Le rap quoi? Le rap. Le rap à Riri. Le rap à Riri. Le rap à qui? Hey, mes Georgettes. Les Georgettes arrivent. Oh, les belles Georgettes. Les belles Georgettes, allez-y-y-y, belles Georgettes, allez-y, belles Georgettes, allez-y, belles... Oui, oui, oui. Hey, Miko Édouard, c'est merveilleux. On fait la radio, c'est bon, on a... Non. C'est un peu comme lorsque tu conduis ton véhicule, hein. C'est mieux que tu sois à l'intérieur devant ton volant, derrière ton volant, pas devant. Quoique si t'es devant, c'est plus ton véhicule ou quelqu'un t'a frappé pour que tu puisses arriver sur ton pare-brise. Et c'est pas un conseiller. Ah, surtout pour ton visage. Le mien est déjà défait depuis ma naissance. Je vous l'ai déjà raconté. Ils m'ont échappé. Bon, ils m'ont regardé puis ils ont dit, ben écoute, il fera de la radio. Il fera pas de la télé. Mais par la suite, il y a eu la chercheuse là qui me cherchait. Hey, c'était tout petit cet endroit-là, là, hein? Quand tu vis au monde, c'est pas grand, c'est tout petit. Là, on l'a pas mis très très loin, là, voyons, il vient de sortir, ça fait 2-3 minutes. Ben ouais, le métier est parti, il est parti. Ah non, il l'a pas vendu, j'espère, comment on peut pas vendre ça cher, cette affaire-là, là. Ça pleure, ça pue, bien, oh, c'est... Hey, là, c'était le... Comment t'appelles ça? Le code rouge, le code... Ben, je sais pas si vous êtes infirmier, infirmière, médecin-médecine. Non, c'est médecin-médecin. Voyons, non, médecin-médecin, c'est infirmier-infirmière, médecin-médecin. Eh oui, c'est comme ça. La féminisation du mot médecin. C'est pas autre chose. C'est pas. Ouais, ça porte à confusion, toi, là. Si je prends rendez-vous, je connais pas le médecin. C'est pour quelque chose de très, très, très personnel. Très, très, très intime. Là, je sais pas que je vais encore. Je sais pas qui je vais rencontrer. Là, on me dit, c'est le médecin, là, Sauvageau. Là, tu te prépares, là, tu dis, OK, ça va être un homme. Quand même, dans la médecine, là, ça te prend, hein, la majorité, tu te dis, c'est des hommes, puis c'est vrai, on est en 2012. Ah, en 70, c'était pas compliqué. Il n'y en avait pas tant que ça de femmes. C'était très triste aussi. Ah, les infirmiers cherchaient leur médecin, puis ah, oh, c'est pour ça qu'ils se retrouvaient avec des infirmiers, Mais ça, c'est une autre histoire. Fait que là, il me cherchait. Où est-il, l'original? Parce qu'on en préparait déjà des copies là, dans les laboratoires. On avait mon ADN. On disait, hey, on va cloner ce clown-là. Mais non, faut pas. C'est déjà un monstre. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le cherche, l'original. Oh, hey, puis au pire, si on le trouve pas, ben on en fera des... On le multipliera, puis on fera des brouillons d'individus qui ressemblent approximativement à cet être douteux. Douteux? Eh oui, douteux. Et pas peur des mots, mais j'ai pas peur des mots, mais douteux. Là, les gens vont dire, ouais, ben là, l'histoire du médecin, là, on se prépare, puis c'est quelque chose d'intime. Ben oui, puis là, tu rencontres, c'est un médecin. Ben oui. Puis, c'est pas bien grave, là. Tu peux tout raconter aujourd'hui, là. Il n'y a pas de gêne. Que ce soit un homme, une femme, un transsexuel, un bisexuel, un transgenre, tout le monde est ouvert à tout, là. Hey, 2012, allume la coupole, allume! Tout le monde est semblable. Heureusement, la planète nous appartient. Mais là, c'est pas juste ça, là. Il cherche toujours le Ray qui vient de naître il y a à peu près 4 minutes et demie, là, maintenant. Et là, c'était plus le code rouge, là. C'était le code triple rouge. Ah! À l'époque, il y avait juste la radio. La télé commençait à peine. Quoique, c'était les gros transistors à la radio. Ah, ben, les micros, un peu comme le mien actuellement. Là. Je ne sais pas si vous nous regardez à la télévision, là. OK, télé? C'est un micro comme ça. Si vous ne nous regardez pas, imaginez-vous 1958. New York City. Frank Sinatra. J'en parle souvent. Je l'aime. Une déclaration. Je l'aime. Frank Sinatra. Micro de Frank Sinatra, 1958. C'est celui-là que j'ai ici devant moi, devant ma bouche. Je postillonne. Voilà. Non, c'est un hélicoptère. Mais non, c'est des postillons. Arrête. Les gens ne le savent pas, là. Laisse-leur leur imaginaire. La télévision tue l'imaginaire. La radio peut bien exploiter ça, là, ce qui nous reste encore de réflexion et d'ouverture vers des schèmes, des idéologies, des images. La télé, ça tue tout ça, là. T'as pas le choix, il est mort, il est étalé, puis il s'est fait tirer par un hurluberlu ou par le sugru. Tandis qu'à la radio, les gens. Hey, c'est Apocalypse Now! C'est la guerre! C'est la violence! C'est ça! Ça fait peur! Couchez-vous, les enfants! Ben là, d'après moi, ils doivent dormir, là. Il est minuit et quelques centimes. Non, c'est plus des centimes, c'est des euros. Ben non, mais plus petit que l'euro, c'est centimes, mon espèce d'insignifiant personnage de baroque. Ben non! Qu'est-ce que tu veux faire avec des centièmes? Absolument rien. On n'a pas dit non plus qu'on ferait quelque chose avec ça, là. C'est ça, l'histoire, là. Alors là, on le cherche encore, le réel. Ça fait 7 minutes et 30 secondes. Où l'ont-ils mis? Qu'ont-ils fait avec? Le métier est-il parti? C'est quoi? C'est un radio-roman? C'est un radio-roman. Oh, la fuite, la prochaine soirée. Hein? Non, dis-le immédiatement. Fais pas attendre le peuple. Oh non, la fois, on le fait pas attendre le peuple. Parce que le peuple aime pas ça attendre. Le peuple veut maintenant, il veut la conclusion. Ben là, tu vas vendre le punch? Je vais le vendre, oui. Là, ça m'a coûté 35$ pour un gros verre de punch. Oh! Si je dévoile. Il me semble que c'est après le mariage qu'on doit dévoiler, là, puis même que ce soit n'importe quoi. Mais non, là, le punch, tu dois le dire immédiatement. Oh, mon Dieu! Alors, moi, c'est version fruitée. Et comment? Fruitée? Où est Rénal dans le fruit? Ah, le fruit défendu. Oh, mon Dieu! Non. Quoi qu'il purgeute. Ah, il est juteux. À soi. À vos souhaits, merci. Non, c'est que... Ben oui, 35 piastres de punch là-dedans. Il n'y a pas juste des jus québécois. J'allais dire c'est toxique. C'est pas toxique. Excentrique! Mais c'est pas la même chose, excentrique et toxique. Quoique, quand on ne connaît pas les choses, hein, on dit « Ah, bon, ça vient d'ailleurs, hein, c'est exotique. Hein, » Oui, on peut s'empoisonner, c'est très toxique des fois l'exotisme. Hey, tu manges une tranche de poisson que tu connais pas, là, je sais pas, disons la barre de pêche. Ah mon Dieu, ça, on vient de recevoir une dépêche, là, ici, attention. C'est écrit, qu'est-ce qui est écrit? Ben là, il faudrait le lire, ben oui, mais là, je cherche la date, excusez-nous. Hey, nous sommes dans des... le 17 août. Depuis 1978, nous cherchons l'original Rénal. Alors, c'est un avis à tous. Récompense n'est pas promise, bien sûr. On veut pas. On veut juste peut-être avoir quelques notions de dénouement. On n'aimerait pas ça. On ne veut pas le trouver. On va s'embarquer dans quelque chose. On va être obligé de. Il va dire on va. Je vais aller en cours. Mais là, tu sais comment c'est Rénal. Je vais aller en cours parce que j'ai eu des prix 6. Mais oui, j'ai pris 6. Arrête donc. Oui, j'ai pris 6. J'ai été enlevé. Ben, arrête donc, toi. Mais non, j'imagine. Il a peut-être été enlevé. Oh, mon Dieu. On l'a vendu. Ah, je sais comment ça coûte, cette affaire-là. Là. Ben, là, il n'est pas terminé. Ben, oui, il est terminé, regarde-moi ça. Ben, là, c'était un désastre. Ben, c'est réel. Alors, là, qu'est-ce qu'on fait? On l'a cherché pendant 4h30. Les infirmières pleuraient. Les petites infirmières, c'est quoi, donc? C'est les infirmières adjointes? Non, c'est les bras droites ou gauches des infirmières. Des substituts d'infirmières, là. Eh, mon Dieu, ils vont te tuer. Ben oui, ça, on peut s'indiquer. Ben oui, ça, c'est indiqué. Ah, mon Dieu. Des infirmières sans formation. Ben oui, ils ont une formation. T'es pas gêné? Non, je suis pas très gêné. Ah, mon Dieu, je sais jamais qu'une... Attends un petit peu. En tout cas, j'allais dire, non, des infirmières qui ne sont pas infirmières, oui. Ben, qu'ils sont, mais pas spécialisées. OK. Ça va me revenir, mais pendant que je vais m'écouter. Là, je vais dire, c'était ce terme-là que je devais utiliser, puis ça m'est pas venu pendant que la lumière en direct était allumée. Ah. C'est important quand tout est en direct, là, OK. Qu'autour de moi, ça s'allume également. Le cerveau se met en fonction, que ma bouche se prépare déjà à laisser évacuer les mots sans trop de problèmes, que la prothèse soit bien collée, que les yeux soient bien agarrés et que la langue soit pendue. Ah, oh, pour être pendu, c'est pendu, hein? Ah! Oh. Infirmière auxiliaire! Bon, on l'a trouvé auxiliaire! Hey, hein, quand tu l'as ouvert ta neurone? Ben oui, j'avais mis la porte à peine d'entrouverte. Ça rentrait par la serrure de la. Ah non, pas. Oui, on voulait pas. Ben... En fait, on accueille tout le monde. Hein. Il y a pas. On n'a pas de. On voudrait pas. Puis même si on voudrait, on peut pas. Hein. Il n'y a pas de. Comment tu les appelles, ceux-là? Les garments? Non, les hommes des portiers. Il n'y a pas de portiers ici. Ah, oh, mon Dieu. Il n'y a même pas de porte. Ah, pour avoir un portier, il faudrait une porte. C'est une porte imaginaire. Lâche-moi l'imaginaire, toi. Le peuple aime pas ça, l'imaginaire. Ce qu'il veut, c'est quelque chose de concret. Concret. Comment ça coûte? Comment je te dois? Hein? On veut pas, oh, voilà, tu sais, C'est du travail intellectuel. Ben ouais, comment ça coûte? Ben, ça, on sait pas, là. On a refait le monde à 3h15 du matin en sortant de deux bars. Un parce qu'on nous a mis dehors et le deuxième parce qu'on était pris en dedans. Mais on était quand même assez bien entourés. Hein. Il y avait de la bière pression. Elle n'était pas sa dépresse, la pression. Ah, oh, oh, là, ça pleut, à couler. Les gens avaient la bouche ouverte. Ça n'arrêtait plus. C'est quoi ça? C'est une nouvelle langue, hein, mon doux. Alors, le rénal, on l'a trouvé. Parce qu'ils croyaient qu'il n'était pas terminé. Ils l'ont mis dans la poubelle. Oh, mon Dieu! Et la plus laide poubelle de l'hôpital. Oh, non! Où on met les fêteux pas réussis, où on met les avorterons, puis les petits crotons aussi, passés la date d'expiration. Non. Et il a terminé avec lui. Il a tout mangé les petits crotons. Ah oui, oui, oui, oui. Il est en pleine forme. Il est en train de se préparer un bon sandwich. Mais il cherchait la moutarde, la mayonnaise, puis surtout la laitue. Là, l'infirmière est venue le cueillir. « Hey, vois-tu, l'es-tu me laisser tranquille? »« L'es-tu me laisser tranquille? »« Ah, oh, mon Dieu, ouais, ça, c'est de la blague. »« Oui, oui, ben c'est parce qu'on cherche. »« Oui, merci de me le dire, monsieur. »« Fais 60 ans qu'on me cherche, hein? » Ça fait 60, donne-moi une proper menthe. C'est une menthe mentholée. Ben là, normalement, ta menthe, c'est pas mentholée, mon mental. Ah, mon Dieu, mente-moi. Ne mens pas. Non, peut-être, ça va bien, ça va très bien, toi. Ça va bien, merci. Très bien. Je te remercie infiniment. Monsieur le Président, messieurs les patro-catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante. Le ventilo, Merci. Et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue, parce que là, je suis en train de cuire. Comme le rôti. Bon, on veut pas m'arroser parce qu'on me dit que je ne mérite pas autant de jus. Quoi, j'en tire passablement du jus, moi, là. Hey, j'ai toutes les consoles branchées. J'ai l'ampoule branchée. J'ai le trou de pain branché aussi. J'ai la mâchoire branchée. Puis, moi, je suis débranché. Ah, ça fait des bonnes émissions. Très bonnes émissions. Je débranche toutes les cellules. Ma cellule, parce que j'en ai juste une. Ma cellule! Messieurs le Président, messieurs les patro-catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents, résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même. Il y a eu comme, oui, on a eu la proche et la croche. La croche-cœur. Oui, la croche-cœur. Que c'est beau l'été, la croche-cœur. Ouais. Quoique, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. Ah, mon Dieu. À quoi bon faire cette émission? C'est du vécu. Ah, c'est du très beau vécu. Puis même, j'en ai écrit trois romans. On cherche. Oui, en trois temps. Oui, on cherche-tu mes romans aussi? C'est les éditions Errance. Et ça se vend très, très peu cher. 3,99 au Québec et 18 euros ailleurs dans l'européanisation de notre société. Il me semble que c'est plus cher en euros. Ben oui, ben là, c'est parce que c'est traduit en français. Ben oui, mais c'est pas du français au Québec. Oui. Mais c'est parce que j'ai rajouté des images là-bas, hein, parce qu'ils comprennent pas. Et tu dis c'est au bout, là. Qu'est-ce que c'est au bout? Au bout de qui? Au bout de quoi? Au bout? Oui, c'est au bout. Ah, mais pourquoi vous dites pas au bout? Parce que c'est au bout. C'est simple, au bout, c'est au bout. C'est pas au bout, c'est au bout. Comme ça, ici. En plus, ici, c'est pas ici, c'est ici. Ah, mon Dieu, mais c'est mieux de dire au bout, ici. Ah, c'est vrai, au bout, ici. Au bout, ici, tu verras le précipice. Je te demande, avec autant de gentillesse, avant de te pousser dans le Néandertal. Non, le néant, excusez-moi, c'est pas Dertal. Néandertal, c'est plus tard, là. On l'a invité, mais c'est pas certain qu'il va faire son entrée ici. Pourquoi? Il a une crainte de tout ce qui est avide. Ah, mon Dieu, avide. Le vide. Oui, pourquoi tu dis avide, le vide? À quoi bon faire cette émission si on ne s'en rend pas? Qu'est-ce que tu dis? Rien. Absolument rien. Je n'oserai jamais évacuer un mot sans avoir une pensée à la signification du terme, à l'affranchissement de l'intellect et surtout à la fraternité des mots. Ah, c'est beau! Oui. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? We are the world. C'est beau. We are the children. Mets de l'écho. I want the world was born around. On dirait des chats qui chamaillent. Hey, c'est de la traduction, ça, oui. Savez-vous que We Are the World a été traduit en français? Et monsieur, est-ce que vous les avez achetés, madame Chatonne? Ma chatonne friponne, ah, c'est tout humide, ces chats-là, là, hein? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Ça peut être chanté en wolf. Non, pas en indien, mais en loup. We are the world. Aou, aou. Non, c'est moins beau, hein? C'est mieux en chat. Quoique, ça a été déjà. Je vais vous dire, là, la vraie histoire We are the world. La langue. We are the world. Comment? Ok, en tout cas. Ouais, je vais vous dire la vraie histoire. C'est que. Attention, rapprochez-vous de votre micro, là, de vos écouteurs. Ben, là, moi, je me rapproche de mon micro, là. Regardez-le, comme ça. Mais vous, rapprochez-vous de vos écouteurs. De vos enceintes acoustiques. Montez le son. Montez parce que je baisse le son. Là, on est entre nous. Là. We are the world. À l'origine, a été écrite en chat. Ensuite, ils l'ont traduit en anglais. C'est pour ça que ça sonne chat beaucoup plus. C'est beaucoup plus dansant et c'est beaucoup plus consonant. Il y a la consonance chatonne et dedans. À l'absurde aventure de l'errance rénadienne s'ouvre à l'instant, nous marcherons ensemble. Nous défricherons. Je viens de voir un petit pâté, là. Un pâté, non, un empâté. Oh, c'est un Québécois? Ben oui, c'est un empâté. Hein? C'est une blague. Il n'y a pas juste des Québécois en pâté. Des pâtés de chez nous, il y a juste des Québécois, là, mais des pâtés de chez vous, ben, c'est pas juste nous autres, hein? On continue. On va la chair. C'est merveilleux, hein? Ah non, je sais pas. OK. Je suis grand. Oui, j'ai le visage crispé. C'est normal. OK. Ils vont me défaire tout ça, là. Ouais, ils vont me dilater, puis vous allez voir, ben, ça va tout descendre, la babiche en bas, puis ah! Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitch. J'espère qu'on a de la colle, on va tout reprendre ça, puis approximativement. Et ça fera une œuvre abstraite et je pourrai m'exposer moi-même de mon vivant. C'est bien de s'exposer de son vivant, pourquoi attendre d'être mort? Les gens vont pleurer, mais tu vas être conscient que les gens vont pleurer, hein? Moi, je suis pas capable de me dire « Ah, je serai mort et mon âme sera en l'air, là, en l'air, et je pourrai voir, voyons donc, toi, mon inconscient collectif. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs, et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinérant langagé, rénal de gagner. La seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse. Aujourd'hui, le vendredi 17 août 2012, l'avant-dernière émission... de mes rencontres 2011, avant mes nouvelles 2012, parce que je reviens de Paris, ça, je vous l'ai déjà raconté, mais à peine. Mais dans deux semaines, je vous relate toute l'histoire. Vous allez voir, on va se mettre dans l'ambiance. Oh, je vais amener des bons crus, là. Hein? Des crus? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ah? La caméra, c'est terminé, mais c'est pas grave. Des bons crus, ah, oh, hein, c'est merveilleux. Alors, 2017, l'errance et l'errance rénadienne présente plus de routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'humoriste Sophie Maes, alias la presque grande Sophie. Sophie Maes se veut une drôle de petite nana. Elle exploite dans son tout premier spectacle la télé qui dépasse toutes les réalités. Le petit écran rend vraiment dingue, dit-elle. Au départ, la télé reflète notre monde et c'est du moins ce que nous croyons tous. La presque grande Sophie, elle, fait du petit écran un monde parallèle avec ses cordes, ses dérapage et son langage. Laissez-la nous exprimer sa vision du monde. Et en 2011, en juillet 2011, elle a pu s'exprimer au micro de CKRL et Errance Renaldienne. La preuve, pendant la ZIZIC, après la ZIZIC, entre les deux ZIZIC, elle vous en dira davantage. Sophie... Zut, son nom m'échappe. Mais c'est un groupe féministe ou... C'est des copines, en fait. Okay. Des copines artistes qui ont toutes leur one. Et donc, il y a eu cette idée de faire le Connasse Comedy Club, qui était en fait, chacune faisait une partie de son one. Et il y avait des interactions, etc. entre elles. Et c'est ce que tu vas faire, là, demain? Alors, le Comic Nana Band... Ah, mais c'est ça autre chose encore. C'est... un principe qui est un petit peu égal. Okay. Mais moi, sauf que c'est pas des amis avec qui je joue, c'est des femmes humoristes que j'ai réunies, en fait. Que tu connais ? Pas forcément, je connais pas forcément leur univers, c'est ça ou mais c'est ça qui est là. Tu les as pris où ? Au bout ? Pas forcément, des gens que j'ai rencontrés, par exemple, il y aura Anne-Sophie Bajon, que j'ai, j'ai rencontré sur une, pas loin, sur une scène ouverte au Café de Paris, le Chinchman. Et je l'ai rencontré, c'est tout récent, hein, le 20 juin. Et j'ai vraiment aimé son univers et je l'ai contacté. Thank you Facebook. Mais oui, la preuve. Oui. Nous sommes là. Et donc, voilà, ça a été des rencontres impromptues, des gens qui sont programmés au même théâtre que moi aussi, des humoristes. Êtes-vous voilà. plusieurs ? Ah oui, oui, on est plusieurs, oui, oui. Okay. On est, donc, qu'on leur univers forcément de et femmes. Et uniquement des femmes. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est 100% nana. Des travestis n'ont pas le droit. Ou alors, faut pas que je vois qu'ils sont travestis. Ah oui, mais là, oui. Là, il faut vraiment que ça soit super bien réussi. Un bon travelot, ouais. Un bon travelot, tu dois pas t'en douter. Ah, oui, il y en a peut-être d'ailleurs, maintenant, tu me l'as dit. Il y en a peut-être pas mille. Alors, vérifie dans les... mets la caméra cachée. Là. Dans les coulisses. Oui, oui, oui, ça doit se passer. Je vais peut-être me méfier. Ben oui. Et donc, toi, tu travailles tes textes, tu les proposes après aux gens. Si tu vois que les ricanements ont lieu, tu gardes le truc... sur scène, ben là tu modifies, quand, là tu trouves quelqu'un pour faire ta mise en scène. Mm-hmm. Mais cette, pour ce que je vais voir ce soir, qui fait ta mise en scène? La mise en scène, ça a été un ami à moi. Okay. Que tu rencontres au bout? Toujours au bout? Non, non, non, que j'ai rencontré alors que j'étais sur scène d'ailleurs. Okay. C'est vraiment un très très très très grand ami, vraiment très très important dans ma vie. Et il m'a rencontré sur scène, sur une scène amateur. En fait, on reprenait, qu'est-ce qu'on avait pris ? On a fait une soirée café-théâtre ce soir-là, par chez moi. Uh-huh. Et on ne s'est jamais quitté depuis, en fait. Vraiment, il y a eu une bonne jonction. Il est artiste, lui aussi. Il est chanteur. Très, très bel univers. Est-ce qu'il y a des albums, des disques ? Ouais, il a sorti autoproduit, dis-toi bien. Ah, autoproduit. Oui, là, j'en ai rencontré deux. Il s'est autoproduit, il s'appelle Christopher Shade. Je l'ai rencontré l'année prochaine. Eh bien, écoute, pas de problème, je te donne le contact quand tu veux. Oui, okay. Et son album s'appelle Paranoïaque. Okay. Très, très intéressant. Il a aussi une... Je dirais qu'il a une grosse loupe sur, les sur gens. Tous les gens. Quoi. Il l'observateur. A vraiment Oups. Une plume qui est fabuleuse. C'est pas grave, c'est fermé. Donc, ce Christopher Shade m'a aidé dans la première vision... C'est pas grave. Dans la première... Ok, c'est bon. Il m'a aidé dans la première mouture de mise en scène. Après, j'ai eu d'autres conseils et je m'auto-mets en scène aussi beaucoup. Ok. Voilà. Ah, mais comment tu fais pour te voir? Donc, tu t'imagines spectateur et tu te déplaces ou... Je m'imagine ce que moi, j'aimerais voir avant okay. tout. Ok. Avant tout, je crois qu'il faut se faire plaisir si tu veux faire plaisir aux autres. Mais fondamentalement, c'est quoi? C'est un micro, une fille puis de l'éclairage, c'est ça? Il n'y a même pas de micro. Ah, y a même pas de micro, pas de micro okay. tellement c'est une petite salle. Tu vas voir, elle est conviviale, elle est belle, elle est en rond. Okay. Elle est toute en rond. Elle est pailletée, elle est bling bling. Et non, il y a ma voix. Il y a okay. ma voix que je place. Et il n'y a pas d'éclairage. Si. Okay, okay. On a essayé de faire un théâtre à la bougie, c'était un petit peu bizarre. Oui, les gens qui étaient revenus, ça... Oui, ça c'est... Non, non, c'est très spécial. Des allergies, quelquefois. Voilà, il faut changer les bougies ouais, toutes ouais, les ouais, ouais. quarts d'heure. C'est pas très propre, hein, ça dépend, il y a des gens qui... Ouais. Non, non, c'était pas l'idéal, donc okay. finalement, il y a les vrais spots. OK, oui, oh, les... il y a le budget. Y a le voilà, il y a okay. le budget, effets spéciaux. Mais la musique, est-ce que c'est une trame sonore à la féerie? Ou si c'est un cappella? C'est pas a cappella, il y a des bandes sonores. Okay. Voilà, il y a des bandes sonores, tu verras ça ce soir. Oui. Il y a une entrée qui est très péchue, parce que moi, C'est-à-dire? J'ai besoin de me mettre en pêche des grandes, par la musique. J'ai un choisi... peu comme Jamel Debbouze qui court partout. Oui. Je suis allé le voir hier, en spectacle. Alors? C'est de la merde. Oh. J'aime pas de... Vraiment, j'ai beaucoup de difficultés avec... 55 euros, là, ça vaut pas 55, ça. 55, il abuse. Ah, moi, ben, c'est au Casino de Paris. Il y a 25 minutes, là, vraiment, de très bonne écriture, mais le reste... non, c'est trop bien. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. Fred Gio know what you say, that's poor. Some whore banging at your girl, what for? Pregnant, what are you talking about before? 15, she's underage, that's raw. And against law, 5 years or more. Now she wants a score and a half hour draw. That's the kind of threat that you can't ignore. That whore got you pinned down to the floor, but shut on foot, you said three magic words. When that's the one for the birds. When you said that, she forgot other ways. It's over, you better start buying the prayers. There was no intention of her being wife. Now she knows this, she's ending your life. It's a real shame you got hacked by the whores. It's a shame that kid probably ain't yours. Yo, some bitch, you know. Keep calling my phone. Don't leave me alone. She just moan and groan. She keep ringing me at home. These days I don't answer my phone. That boy's some prick, you know. All up in my hair. Thinks that I care. Keep following me here, following me there. These days I can't go nowhere. Ain't that your girl? No, I ain't my girl. I swear that's your girl. It ain't my girl. She got juiced up. Oh well. She got chapped up. Oh well. I swear it's your man. I ain't got no man. He was with that man. He was just any man. He got hotted up. Oh well. He got whacked up. Oh yeah, well. Alright. She's a bad girl on the bus though. It's Captain Roscoe with a crossbow. She came, she got picked up, yo. Now I got a love team, get lost, ho. Busy rascal, come down like snow. With freezing cold flows like Moscow. Gung ho, get me upset, guns blow. Bitch, no, you're not ready for skid row. Bleak, no, busy rascal, deep roll. Big feet full of fools on my big toe. I got no chat, no chain, not much though. Get juice, but you don't get lost, though. No slap, but you might get a cocoa. Yo, Jambo coming through like Rambo. Love team takes two like Tango. But she ain't no wifey, she can go. Yo, some bitch, you know. Keep calling my phone. She don't leave me alone. She just moan and groan. She keep ringing me at home. These days I don't answer my phone. That boy's some prick, you know. All up in my hair. Thinks that I care. Keep following me here. Following me there. These days I can't go nowhere. Ain't that your girl? No, I ain't my girl. I swear that's your girl. It ain't my girl. She got juiced up. Oh well. She got chapped up. Oh well. I swear it's your man. I ain't got no man. He was with that man. He was just any man. He got hotted up. Oh well. He got whacked up. Oh well. I like your girl, so you better look after your girl. Or I might take your girl, then make your girl my girl. Switch your girl with Misho. Switch Misho with Chantel. Play Chantel with Chanel. Lyrical clientele, but I ain't a bow cat, I don't like the smell. I'm a girl from the show when I make a boy I feel unwell. That girl from school, that girl from college. That girl gives brain, that girl gives knowledge. That girl gives hair, that girl gives shine. That girl gives BJs at all times. She looks decent, she looks fine. But don't talk about wifey, she's not mine. She got batteries, six in a line. Believe that's not a good sign. Yo, some bitch, you know. She keep calling my phone. She don't leave me alone. She just moan and groan. She keep ringing me at home. These days I don't answer my phone. That boy's some prick, you know. All up in my hair. Thinks that I care. Keep following me here. Following me there. These days I can't go nowhere. Ain't that your girl? No, I ain't my girl. I swear that's your girl. It ain't my girl. She got juiced up. Oh well. She got chapped up. Oh well. I swear it's your man. I ain't got no man. He was with that man. He was just any man. He got hotted up. Oh well. He got whacked up. Oh well. Is your rascal? You. Real deep. I love you. It's all love. I love you. 2000 and slew. Get me. I love you. Damn right, I'm articulate. I'm not an idiot. Never had an idiot. Trending can never say, this is the next step. I write the two step. Niggas better get set. I'm the kick your way. I'm articulate. I'm not an idiot. Never had an idiot. Trending can never say, this is the next step. I write the two step. Niggas better get set. I'm the kick your way. I love you. Je marche beaucoup. Ce soir je t'aime à reculons. Demain je pars pour Londres. Demain il faut croire je vole. Et je me moque que tu m'aies pas regardé. Et je me moque que tu m'aies pas regardé. Ce soir sur moi t'as posé les yeux. Alors ce soir, je vadrouille. je me moque que tu m'aies pas regardé. Et je me moque que tu m'aies pas regardé. Ce soir sur moi t'as posé les yeux. C'est-à-dire la police secrète dans tous ses états. Hey, attention, Major Clint, j'aimerais que... Êtes-vous coincé? Oui, nous sommes coincés. Merci, de... Merci d'avoir lancé cette tirade qui n'était même pas planifiée. Et si vous croyez que tout ça est enregistré, c'est faux. Êtes-vous coincé? Oh, oui, nous sommes coincés, monsieur... Je ne sais pas si vous pouvez nous amener la dépanneuse. Comment ça, l'air? T'as un peu ne scintille pas? Attends, oui. Comme ça? Ah, c'est très bien, merci. Mmh. Non, mais il fait chaud. Mais là, les gens n'ont pas besoin de savoir ça, que tu es en train de steamer. Ben oui. Mais... Êtes-vous coincé? Oui, on est coincé, monsieur. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Et on a besoin d'être, bien sûr, comme quand on est coincé, hein? Il faut bien se débattre. C'est certain, c'est trop clair, merci. C'est comme l'eau de la rivière Saint-Charles. C'est comme l'eau de la Méduse. C'est comme l'eau du Nil. Nil peut se baigner là-dedans. Hey, j'espère, même en Égypte, les Égyptiennes enlèvent leur maillot pour pas brûler leur tissu. Quoique la peau... Mais non, la peau résiste à tout là-bas. OK. Mais comme disait Rembrandt... Êtes-vous coincé? Oui. Oui, oui, oui. Et nous avons ici... Merci de nous l'avoir redit. On s'en souvenait même plus. Ils nous prennent pour des poissons ou quoi? Êtes-vous coincé? Hey. Peux-tu l'arrêter, s'il vous plaît? Là? On a entendu, là. Le régisseur a arrêté de réagir ainsi. Faites comme d'habitude, endormez-vous, moi vous réveillez. Et lui, là, quand le 1h du matin là, arrive à ses oreilles, là, on dirait qu'en haut, hein, il y a quelqu'un, là, sans doute un gars de la construction, là, lui cogne des clous parce qu'il s'endort, là, il n'est plus capable de regarder. Puis de... il y a la baffe qui coule, c'est merveilleux. Ah, il est plus capable de faire jouer une chanson. Puis... Êtes-vous coincé? Hey, peux-tu le décoincer, lui? Là? Amène-le dans le trou, là, puis on va refermer le bouchon. T'es. Oui, on est coincé. C'est pour cela que nous allons prendre le sac de démarrage qui s'appelle phrase de démarrage. Hey, ça, c'est bon. Mais il y en a de moins en moins dedans. Hein? Oui, il en reste deux. Donc, j'en choisis un et la prochaine fois, il en restera. Attends un petit peu. Vous m'avez dit, monsieur, qu'il y en avait deux. Oui. Que vous en prenez un. Oui. Et ensuite? J'ai dit la prochaine fois. Il sera dans le sac. Oui, ben c'est bien ça. Mais comment en restera-t-il? Combien restera-t-il? Il y en a deux. Oui. Aujourd'hui, vous en prenez un. Oui. Dans le sac. Oui. Mais là, il y en avait deux où? Il y en avait non, c'est pas le deux où aujourd'hui, là. Non, là, vous vous trompez avec l'émission qui s'est déroulée il y a quelques semaines, puis c'était même pas le deux où. Aujourd'hui, monsieur Thibodeau, c'est 17 août. Ah, vous êtes en retard. Non, c'est pas ça. J'ai mal à l'aïe. Non. 2 août. Non, c'est pas le 2 août, c'est 17 août. Ben, 17 août. Eh, monsieur. Il y a un sac, oui. Dans le sac, il y a deux mots. Deux mots de démarrage. Merci, monsieur. Laissez-moi parler. Ben là, articulez. Attention. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il est-tu enragé? Il est en transe. Ah, mon Dieu, c'est pas un transe, c'est un transe. Bon. Il y en a deux. Oui, il y en a deux. Dans le sac. Dans le sac. L'affaire est dans le sac. L'affaire dans le sac. Je sais pas comment il en reste, moi, là. Je suis pas intelligent. Je suis pas là pour ça. Moi, c'est les mots. Je suis un orateur. Je suis un homme de poésie, de langage, d'exécution approximative de l'existence humaine à travers une narration qui se ridiculise à chaque fois que je siffle le trépas et que j'amène le galop imaginaire. Et voilà, c'est ça. Il y en a deux dans le sac. Oui! Deux mots de démarrage, deux mots dans le sac. Oui. Deux mots de tête. Non. Ça manquait des mots de tête. Alors, OK, attention, rapidement. Là, comme ça, là, elle brûle le point. Non, c'est elle brûle pour point. Elle brûle le point, toi, là, puis on va mettre trois autres points de suspension. Si le point final arrive à brûler, imagine-vous les petits points de suspension, le pss, pss, pss, fini. C'est petit des points de suspension, le pss, pss, pss, tandis que le gros point final, là, ça prend des heures à chauffer et à brûler. Mais là, quand tu mets trois petits ridicules, c'est rien, ça. Mais une roche, c'est beaucoup plus puissant que trois pierres. Quoique, il y a Pierre Michaud, Pierre Thibodeau, puis Pierre Lefay, ils sont puissants, les trois ensemble, là. Quand tu leur dis bonjour, là, faut pas que tu tombes, sinon tu sens la puissance en plein visage. Ah, chérie. OK, il y a deux mots de démarrage dans le sac. Oui. J'en prends un aujourd'hui. Oui. Combien en reste-t-il? Oui. Oui. OK, c'est ça. Alors, oui, c'est ça. C'est oui. C'est oui, je le veux. Oui, il y en a. Et oui, nous sommes heureux. La phrase de démarrage, il faudrait passer à la chanson. Non. La phrase de démarrage, c'est un son sonore. C'est bon d'avoir un son sonore, madame, hein? Hey, imaginez-vous un son muet ou un son non sonore ou un son imaginé par la bande dessinée sans bulles. Ah, mon Dieu. Hey, moi, sans bulles, je fais bulles. Puis avec des bulles, j'ai pète. J'ai fait exploser. Avec la pointe du crayon, oui. Je dis au dessinateur, dessine. Et je dis au narrateur qui remplit les bulles, mets-en pas. Laisse l'imaginaire se faire à l'image que moi, je vais me visualiser. Ben voyons donc, oui, tu sais que dans mon œil, oui, j'ai des bâtonnets. Oh, t'as des bâtonnets. Oui, c'est comme des bâtonnets au fromage. J'ai pas mis ça dans le four, voilà, là, c'est dans mon œil. Quoique, j'ai essayé de rentrer l'œil dans le four, mais ça chauffe, ça pleure, hein? Ça devient comme ça pète, pouf! Là, j'en ai plus après. T'as plus de quoi de bâtonner? Non, j'ai plus d'œil. Ah, mon Dieu! Et là, quand t'as plus d'œil, ben, c'est pas drôle à voir. Non, c'est pas beau à voir. Quoique, les bâtonnets dans mes yeux, je sais pas comment il y a de bâtonnets dans chaque œil. Ah, ben là, il faudrait demander à un orthodontiste, oui, c'est ça. Regarde-moi donc les dents, combien j'ai de bâtonnets dans les yeux. Ah, vous en avez, mon cher monsieur. J'avais beaucoup de caries. Oui, j'ai des bâtonnets avec des caries. Ouais, c'est ça. J'ai la langue batracienne. Non, t'as la langue bien pendue. Sur Venise est bien lourd et je te sens bien mystérieuse. Approche-toi un peu, mon amour. Je voudrais que tu sois heureuse. Fin de soirée, tes vagues glissent sur le métal du casino et le ciel vire à l'indigo. robe est très haut sur tes cuisses. Camélia blanc dans une tresse de cheveux noirs et torsadés. Ton corps frémit sous les caresses et la lunette apprivoisée. Notre chair vit sous nos squelettes. Comme un violon désaccordé. Descend sur la planète comme un enfant qu'on vient aborder. Je te sens un peu nerveuse. Calme-toi un peu, mon amour. Je te lècherai les muqueuses. Il y aura des années à vivre si nous restons des enfants sages. Nous pourrons aussi lire des livres. Regarde, mon amour, c'est l'orage. J'aime ton goût un peu salé. J'en ai besoin deux fois par jour. Je me laisse complètement aller. Regarde, c'est la mort, mon amour. Notre chère vie sur nos squelettes. Comme un violon désaccordé. Le bonheur entoure la planète. La nuit douce. T'es ouvert. Anthony Cavana est beaucoup plus drôle. Anthony Cavana. En même temps, il est canadien. Non, il est québécois. Il n'est pas canadien, il est québécois. Oui. Non, mais Anthony Cavana, au moins, il peut faire des jeux sonores. Il peut, exemple, Jamel va discuter de la grossesse de sa copine. Anthony Cavana fait la même chose. C'est beaucoup plus drôle quand tu mets en circonstance, quand il fait des mimiques, tandis que Jamel, c'est limité. Moi, C'est peut-être... Oui, il illustre moins les... Mais ouais. Il n'y a pas eu de... Les gens se sont pas levés à la fin. Ah oui? Non. Puis c'est lui qui s'est représenté. Il s'est dit... Il a raconté un peu ce qu'il a fait. Hein? Vous avez entendu ça. Comment ça, vous ne vous levez pas? Et là, les gens se sentaient obligés. Et bon, après, oui. Mais fondamentalement, les gens ne se sont pas levés. Ah ouais, d'accord. Mais t'as pas forcément une standing ovation à la fin. Non, mais jamais. Là, en France. Au Casino de Paris, et c'était filmé pour un DVD. Ah ouais, aïe. Mais non. Avant, 15 minutes avant, ils nous font faire des singeries. Levez-vous, puis il n'y a personne. Levez-vous, criez. Là, ils prennent des gens, souriez, riez. Puis là, ouais, la mise en boîte. Alors, quand tu vas faire un gag à l'endroit où son script a dit rire, là, ils vont présenter un bonhomme qui rit. Ah, oh, ben oui, c'est drôle. Non, mais c'est du montage. Ah ouais, c'est ça. C'est du montage. C'est pour ça, je dis toujours, venez voir les spectacles vivants. Oui. Déplacez-vous, oui. Venez voir les artistes plantés, avoir peur, rigoler, improviser. être exténué, être en pleine forme, être au bord des larmes, et venez voir ça. Quoi, ce c'est là que ça se passe. C'est sur scène que ça se passe. C'est ça, ah ouais. C'est vraiment... Mais c'est pas sur DVD. Non. C'est, non. Oui, oui, si tu l'as vu et tu veux te remémorer un bon moment, effectivement. Mais sinon, non, c'est de la mise en boîte. Hein. Donc, Ou alors, parce que tu as des artistes qui sont tellement chers, tellement... Que, du coup, oui, y aller, t'as des places qui sont à 60-70 euros, ah ouais. C'est abusé. Ah ouais. Oh oui, c'est abusé, franchement. Donc, c'est vrai que tu t'attends d'avoir le DVD dans ces cas-là. Ben, et surtout, tu dis que... Et tout est arrangé, hein, les répliques de la foule, là, j'entendais le type qui lui organisait tout ça. Là, le jeune de 12 ans, il n'est pas encore arrivé, le gars dans la salle, pour qu'il puisse le prendre quand il va balancer le mot. Donc, le petit garçon qui avait 12 ans en avant est arrivé en retard, donc le spectacle est commencé en retard. Ah ouais? Tout est, est mis en boîte. Il n'y a rien d'improvisé. On lui fait croire que c'est improvisé, mais c'est pas improvisé. D'accord. Donc, c'est tout à fait décevant. Ah oui, d'accord. Oui, juste sous cet angle, c'est clair. Oui, mais on va revenir à toi, car oui. C'est plus intéressant. Mais j'aime bien Jamel, hein, ceci dit. Hein. J'aime beaucoup Jamel, mais oui. Maintenant, voilà. Mais j'ai préféré son premier spectacle. Bon. Mais c'est peut-être aussi de la mise en boîte. Mais peu importe. Toi, tu travailles sur l'écriture et sur les chansons. Qui compose, alors attends, je t'arrête tout de suite. C'est pas un spectacle musical. Non, il y a une toute petite partie où je reprends une musique de Camélia Jordana. OK. Dans un sketch où il y a vraiment, je prends quoi, une minute à peine. Okay. Moi-même, j'ai ce qu'on appelle une PBO, une bande playback, quoi. Oui. À un moment bien précis, et voilà. OK, mais éventuellement, dans un plus gros one-man show, tu vas inclure plus de chansons. Ah oui, ah, j'aimerais, ça c'est vraiment... Mais là, aujourd'hui, c'est comme une clé, c'est une présentation, c'est un portfolio que tu présentes au public, un premier jet. Oui. Et donc, tu aimerais bien que ça perce, que les médias en parlent, que... Est-ce que ça... Moi, je suis surtout pour faire mon chemin. J'ai envie de me faire des écailles, j'ai envie de quelque chose de solide. Il y a des gens qui sont tout de suite projetés, et moi non, j'ai envie de faire carrément un chemin propre. Voilà, okay. J'ai envie de faire un chemin propre avec mon one. Je sais que généralement, pour arriver à quelque chose, les one doivent tourner à peu près 2-3 ans pour vraiment les faire évoluer. Donc, c'est pour ça que j'en suis vraiment qu'au début. Premier été, là où je ne vais pas partir en vacances, je vais travailler, faire rire la capitale. Mais uniquement le dimanche? Oui, mais le reste du temps... Ah oui, mais là, tu as d'autres projets, là, comme j'ai... Ah oui, okay. Oui, oui. J'ai le Comic Nana Band, il y a le Big Show aussi, dont je fais partie. OK. Le Big Show, c'est une scène qui se joue au théâtre Le Bouc, à Pigalle. OK. L'école... Du One Man Show. Oui. Voilà. c'est elle qui remplit les squares, les promenades, les salons de thé. C'est elle qui raconte l'histoire quand elle ne l'a pas inventée. C'est la parlante, c'est elle qui sort toutes les nuits et ne s'apaise qu'au petit jour pour s'éveiller après l'amour entre deux amants éblouis. La parlante, c'est là qu'on dit qu'on a dit oui, c'est là qu'on dit qu'on a dit non. C'est le support de l'assurance et le premier apéritif de France. La parlante, la parlante, la parlante, marchant sur la pointe des lèvres, moitié fakir et moitié vandale. D'un faussaire, elle fait un orfèvre. D'un fifrelin, elle fait un scandale. La parlante, c'est elle qui attire la candeur dans les filets d'une promenade. Mais c'est par elle que l'amour en fleurs souvent se meurt dans les salades. La parlante, par elle j'ai changé le monde. J'ai même fait battre tambour pour charger une pompadour. Pas même belle, pas même blonde. La parlante, la parlante, la parlante. C'est au bistrot qu'elle rend ses sentences et nous rassure en nous assurant que ceux qu'on aime n'ont pas eu de chance, que ceux qu'on n'aime pas en ont tellement. La parlante, la parlante, si c'est elle qui sèche les yeux, si c'est elle qui sèche les pleurs, c'est elle qui dessèche les vieux, c'est elle qui dessèche les cœurs. C'est elle qui vraiment s'installe quand on n'a plus rien à se dire. C'est l'épitaphe, c'est la pierre tombale des amours qu'on a laissés mourir. La parlante, la parlante, la parlante, la parlante. Hey, j'ai presque perdu le bouchon. Ah, le fil des événements. Non, non, le bouchon de la bouteille. Ah. Là, ici, maintenant, quoi que ça pourrait... Ben oui, mais c'est pas ça. C'est le bouchon, le bouchon, le bouchon, le bouchon, le bouchon. On continue. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles de Bukowski. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. J'ouvre la porte. C'est une vieille porte rouillée, là. Oui, allô? Ça va bien? C'est la porte. J'entends frapper. Non, j'ai rien oublié. Je veux apprendre que tout n'est pas terminé. Excusez-moi. Alors, la première phrase, c'est « Les gens se sont comme les tympans saignent. Les tympans saignent. Les tympans... » Ouais. Et monsieur, lui, ça saigne pas, lui. C'est pas monsieur enthousiaste 2012. Mais êtes-vous, monsieur, avez-vous... Non. Avez-vous gagné enthousiaste 2011, monsieur? Non. Non? En 2012? Non. Croyez-vous gagner un jour? Non. Non. Comment ça? Dites-moi pas, vous êtes salubre des primes depuis la naissance? Non. Hey, vous remarquez, hein? C'est une prouesse de la mâchoire. Bon, mais qu'est-ce qui se passe dans votre existence, là? Vous êtes plus amoureux? Non. Votre femme vous a laissé? Non. Vos enfants? Non. Votre poisson rouge? Non. Votre boulot? Votre... Ah, c'est ça. Votre... Il regarde, il veut pas, il pleure. Il pleure. C'est un moment tragique, ce soir. On ne laissera pas continuer. Il va déprimer. Vous n'êtes pas acheté une corde, monsieur? Non. Ah, dommage. Hey, non, j'ai pas dit dommage. J'ai dit, hey, si le roi mage se rapporte à votre plumage, vous êtes délégué pour être un roi, mon cher monsieur. Aimeriez-vous ça être un roi, monsieur? Non. Hey, je veux te... Vous pourriez être avec la reine? Non. Hey, non, mais attendez-vous, là. Arrêtez la négation. Elle est sublime, la reine. Non. Non. Ah, il y a raison, pour une fois, il y a raison. Non, mais elle a une beauté intérieure. Non. Au moins, sa couronne, c'est en or. Non. C'est pas en or. C'est pas en aluminium. Non. Ah, j'ai eu peur. Hey, une couronne en allant vers l'aluminium. Tum ta da dum tum tum tum. En allant vers l'aluminium. Tum ta da dum tum tum. Hein? L'aluminium. En allant vers l'aluminium, yamanum, yamanum, num, num, num. En allant vers l'aluminium, l'aluminium, num, num, num, num. Num. Bon. Vous aimez pas ça quand je chante? Non. Vous aimez pas ça, mon émission? Non. Vous aimeriez que je sois pas assez correct? Non. Bon, au moins, il est positif. Vous voulez pas que je parte? Non. Ah. Vous me trouvez insignifiant? Non. Ah. Je suis pas intelligent, hein? Non. Bon. OK. Alors, la première phrase, on va le laisser, lui-là. Là, il est en négation la plus totale. Attendez, la dernière est bonne, celle-là. Vous allez voir. Est-ce qu'il fait noir ce soir? Non. Oh, bon, c'est déjà... Ah, première phrase. C'est tout a commencé par deux ou trois réunions chez Joe Iwans. Joe Iwans. Joe Iwans. Iwans, Iwans, Iwans, Iwans, Iwans, Iwans, écoutez, ça s'écrit H-Y-A-N-S. Yans. Joe Yans. Connaissez-vous John Yans, monsieur? Non. Ben, je le prononce mal, c'est pour ça. Je n'ai pas la langue fourchée. Fourchue. Fourchée, en tout cas. Allez donc, fourchez. Fourchez-vous. Non, on ne dit pas. Non, non, ça ne va pas très bien dans sa vie. Là, la neurone n'a pas voulu fonctionner. Puis, écoute, c'est depuis la naissance. Hein, puis, on a son dossier ici devant nous. Là, attends, c'est 200. Le dossier 4354, oui. Monsieur, négation, négation. Tout a commencé un jour. Bon, c'est indiqué. Tout a commencé un jour. Et tout se... Oh, attendez. Hey, oh, oh, oh, oh. Tout commença un jour et tout se terminera un jour. C'est juste dans son cas, là. Hey, heureusement qu'on n'est pas là-dedans. Hein? Hey, on veut pas que ça commence, mais on veut pas que ça se termine. Qu'est-ce que c'est à travers tout ça? Comme disait Woody Babin, Babine, Babune, Babine, Papine, Papine, Papine, Papine, c'est du remplissage. Mais ça, le remplir. Moi, ce serait avec pas de la rigolade, mais de la farce. De la farce. Après le poulet. Ah, après le poulet, c'est la farce. Hein? C'est l'histoire du garçon. Non, non, c'est l'histoire de la fille. Non, c'est l'histoire d'un Belge. Non, OK, c'est l'histoire. Là, ça a commencé avec deux ou trois réunions chez Joe Yans. En fait, on voulait former un parti politique. Le parti de tous les génies. Ah, il va le dire encore une autre fois. Ben oui, le parti génital. Donc, nous étions là. Il y avait un gars et six filles. Ah, oh, mon dos, un par-dessus l'autre. Non, non, oh, non, non, non. Ben, au début, c'est une réunion. On est assis. Assis un sur l'autre. Non, non, ben, ouais, d'une manière traditionnelle, il y avait une table, un peu comme les apôtres. Et les apôtres n'étaient pas... Non, les apôtres étaient... Non, non, non. J'ai pas dit les épaules, j'ai dit les apôtres. Ben oui, les apôtres. Les apôtres étaient plusieurs. Là. Combien? Hey, est-ce que, ma connaissance, j'en ai... 11 apôtres? 12? 10, 11 ou 12? Hey, 10, 11 ou 12. Hey, tu mets le solage. Ben oui, mais là, ça pourrait être 9, mais je suis sûr à 100% que c'est pas 9 et je suis sûr à 100% que c'est pas 13. Alors, c'est 10, 11 ou 12 apôtres. Et là, il y avait... Ah oh, non, on commence pas à les nommer, ça peut durer toute l'émission. C'est déjà terminé. Au revoir à la prochaine. Ben non, arrête. Attends. Ben, en tout cas, nous étions réunis parce que je suis mêlé là-dedans, parce que je faisais le rôle de la table. C'était moi qui étais... faisais partie des services pas si secrets. OK, pourquoi? Parce que j'étais visible et risible. On a ri de vous? On a ri de moi parce que les pattes... Les pattes? Les pattes, c'était mes jambes et puis mes bras. Oh, mon Dieu! Là, il y a des gens qui... comment dire? Donc, qui... qui taquinaient, Hey, mon Dieu, hein, on prend plus le poste. Non, non, qui taquinaient. Oh, OK, qui taquinaient la truite? Non, qui taquinaient les jambes et les bras. Oh, mon Dieu! À un moment donné, je me suis retrouvé avec cinq quoi? Ben, je vais le dire, attends, là. Je veux dire, je veux le montrer d'une manière poétique. Ouais, ben, va, prends ton temps. Oui. J'étais posé sur mes cinq membres. Mais au début, il y en avait quatre, OK? Il s'en est poussé un. Puis là, j'ai dit, va-t'en, il s'est poussé. Alors, je me suis retrouvé à quatre. Oh, c'est comme, le marquis. Oui, le marquis. Va s'aider ailleurs, toi, là, le marquis. Péché mignon. Diabolimante, oui. Ne mens pas, OK? Cherche l'horizon et tu trouveras l'oisillon. Oh, mon Dieu. Tombé du nid. Oh, et à travers les feuilles. Ah, les feuilles. Ben, les feuilles de Shakespeare. Les feuilles de... comment qu'il s'appelle, donc? Apollinaire? Apollinaire, oui. Mais il y a aussi le grand Baudelaire. Baudelaire. Ah, mon Dieu. Le grand Baudelaire. Mmh. Et lui, pendant toute sa vie, il cherchait à se retrouver avec nous à cette réunion pour refaire le monde. Et puis? Ben là, on a refait le pré-là, puis les murs, on a peinturé ça avec une couleur nauséabonde, c'est-à-dire de la mayonnaise. Comment ça? Ben, on voulait que ce soit à la fois artistique et gastronomique. Avant de passer au piano de Mme pianotasse, on va vous dire le titre de la nouvelle de Charles Bukowski, c'est « Vie et mort d'un journal underground », et c'est la dernière fois qu'on le fait, celui-là. On va passer à un autre appel dans les prochaines émissions. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep at night? How will I raise my head? Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there. There's a man on the horizon. Paralyzing life, and God said I don't want to go to the seas, watershed. Hope this song will take care of me when I die. Will I go? École de l'humour. Et ce Big Show, il a lieu donc tout l'été et c'est en fait 6 humoristes partagés en 2 équipes, les blancs, les rouges, et c'est le public qui va voter. Ah, c'est comme l'impro. Voilà. Okay. Oui, sauf que là, c'est des sketchs qui sont écrits préparé. Dans le jour. Okay. Ouais, ouais. Okay. Donc ça, ça c'est une autre actualité et c'est pas fini. Okay. Je suis en train de monter ma troupe d'improvisation. Voilà, les impronautes. Ou l'année prochaine, certainement, on sera sur Paris, sur le marché, on va dire, on va se lancer. Mais ça, j'y tiens beaucoup parce que je me suis découvert en impro l'année dernière. Je prends un plaisir qui est monstrueux. Et j'ai réuni 4-5 copains. J'ai un côté un peu chef de bande quand ouais, tu ouais, regardes. Ouais, ouais, venez les potes. Ça va être lancé normalement à la fin de l'année, l'année prochaine. Et l'impro, en plus... Je me suis intéressée récemment à l'histoire de l'impro. Je sais d'où ça vient de chez vous complètement. Oui, exactement. Un mélange... De M. Gravel, qui est décédé exactement. Malheureusement trop jeune. C'est ouais, lui qui a ouais, amené... Ouais. C'est sur le principe du hockey, jeu de hockey. Acteur formidable d'ailleurs. Hein. Oui, très, oui, très oui, sensible oui, oui, et oui, formidable. Oui, oui, oui, oui. Et oui, le principe même était assez oui. dément. Ben oui, c'est vraiment la patinoire, oui, c'est oui. l'arbitre, c'est les claques quand... Ah oui, oui, un arbitre. Oui. C'est... Oui. Exactement. Il faut que l'arbitre ait l'air le plus possible d'un arbitre, c'est-à-dire un homme dur qui risque de se faire tirer des claques, qui risque de briser toute la... En fait, très souvent, c'est lui qui fait le spectacle. Et à travers ça, ben là, il y a les impros qui vont monter. Robert Lepage, qui est un monstre sacré en art dramatique, qui a travaillé avec le Cirque du Soleil, il a fait plein de choses, le Dragon, bon, plein de trucs, des spectacles de 3, 4, 6 heures, 8 heures, et bon... Et lui a commencé en improvisation pendant la grosse époque, fin des années 80, 90, c'était exceptionnel, c'était le meilleur moment de l'improvisation ah, oui, oui, au oui. Québec. Et ensuite, ben, les Africains, les Français, les Belges, les Suisses ouais. se sont greffés et à chaque année, il y a une compétition, les finales, la grande finale, et ça se passe quelquefois à Québec, ça dépend, chaque année ça change, Suisse, Belgique, et c'est merveilleux parce que c'est la culture centre-mère à travers des improvisations, donc c'est l'imaginaire à l'état pur. Hein, c'est, Alors Robert Lepage, c'est lui qui a été le premier arbitre alors? Non, c'est Yvon Ponton, le premier arbitre. Exact. Yvon parce que lui-même, quand il racontait, parce que j'ai regardé des vidéos sur YouTube, des documentaires, il racontait qu'il était assez déçu au départ, même. Oui. Parce qu'il comptait, quand il y a eu ce projet qui s'est lancé, lui, il dit « Souhaite, je vais faire partie de la troupe des comédiens, quoi. Mm. Toi, tu seras arbitre. » Donc, il y a eu un moment de déception au départ, alors qu'on se rend compte que c'est l'homme clé du spectacle. Oui, oh, oui effectivement, c'est la pierre angulaire. Ah, ouais, c'est ouais. celui qui fait le spectacle et c'est celui qui se fait haïr. Ouais. Parce qu'il joue le rôle du dur. Mais les gens embarquent parce qu'ils voient cet être-là comme un individu intransigeant qui va peut-être laisser les bleus remporter, tandis que les rouges avaient toutes les chances de l'avoir. Parce qu'il va siffler pour dire il y a trébuchage, il va trouver des punitions. Ouais. Et là, le public va huer, et c'est ça qui est merveilleux, mettre beaucoup d'action. Ouais. Et c'est ça l'improvisation. Ben, quand on voit d'où c'est parti, en plus, c'était un peu le ras-bol de voir les théâtres difficilement ouais. se remplir. Ouais. Et pourquoi effectivement pas ramener ce concept-là qui mélange, qui est excellent. Donc ça, c'est vraiment le pur de l'improvisation qui s'est après décliné, parce que tu sais très bien qu'en France, on a besoin de mettre ça à notre sauce. Et on l'a décliné, nous, plus en spectacle d'impro plutôt qu'en match. Et le côté match, j'avoue que j'adore regarder, mais je m'y inclus pas. Tout ce qui est esprit de compétition, j'ai du mal avec ça. Mettre des humours en compétition, bon, je fais le Big Show, c'est le principe même. Tu gagnes, tu gagnes pas, t'es meilleur humoriste de la soirée ou pas, peu importe. As-tu mais... plus de sous parce que tu gagnes? Non, c'est juste une reconnaissance. Ouais. Et, ça peut jouer dur. Ouais. Mais je te jure que dans l'équipe du Big Show, il y en a qui prennent ça vraiment à cœur. Non, oui, okay. C'est-à-dire, il y en a qui font la gueule s'ils ne gagnent pas ou qui sont hyper heureux. On a l'impression qu'ils ont été demandés en mariage, tu vois. Il y en a qui sont tellement heureux d'avoir été élus. Mais est-ce que tu vois les voir avant dans la loge? Prends ça, relax, c'est juste un jeu, on va s'amuser. Sois pas aussi... crois-y pas autant. Bah, tu sais, c'est un peu dur de faire ce genre de débrief, de pause avant, parce qu'en fait, c'est le principe même, c'est une compète. Okay, okay. Et puis, l'équipe qu'on est, on est tous des humoristes pas encore connus. Okay. Donc, mais professionnels. Mais semi-professionnel. Semi-professionnel, ouais, ouais, ouais. We try, but we don't. Ta main et prends la mienne, la cloche a sonné, ça signifie la rue est à nous, que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie, nous irons danser, ce soir peut-être, ou bien chahuter, tous entre amis, rien que d'y penser, j'en perds la tête. Mais oui, mais oui, l'école est finie. Et des yeux d'ange, moi j'en ai plus que 20, mais j'en fais 19. C'est ça la chance. Donne-moi ta main, donne-moi ta main. Et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie, ça signifie. La rue est à nous, que la joie vienne. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. L'école est finie, l'école est finie, l'école est finie. L'école est finie, l'école est finie. Donne-moi ta main et prends la mienne. Nous avons pour nous toute la nuit. On s'amusera quoi qu'il advienne. Mais oui, l'école est finie. Au petit matin, devant un crème, nous pourrons parler de notre vie, laissant au tableau tous nos problèmes. Mais oui, l'école est finie. Donne-moi ta main, et prends la mienne. Et la cloche a sonné, ça signifie, la rue est à nous, que la joie vienne. Mais oui, mais oui, l'école est finie. L'école est finie. L'école est finie. L'école est finie. L'école est finie. Est-ce qu'il faut bien manger, hein, côté normal? Et donc, tu peux pas leur dire, bon, prenons ça à la rigolade, non, parce qu'il y a cette envie aussi du débutant. Puis de se faire voir aussi, là, si moi je suis meilleur, ils vont me reconnaître, je vais aller à la télévision. Mais bien sûr, forcément. Donc ça, donc, l'esprit de compétition, il est dans le Big Show, mais de façon générale, j'aime pas ce côté-là. Surtout dans l'humour, parce que je pense que chacun a sa place, chacun a son univers, qui peut correspondre. Bon, il y a des stars de l'humour, bien sûr. Et donc c'est pour ça, le match d'impro me correspond pas trop, mais on a décliné ça en France en spectacle d'impro, okay. Qui moi m'éclate avec des catégories qui sont choisies par le public, avec Moi si j'entre au théâtre, je vais écrire ma mais bien sûr, t'es jamais allé en spectacle d'impro ici en France? Non, en France, non, mais au Québec, c'est déjà préparé. Et je veux dire, non, mais c'est dans un baril, on tourne, mais il y a à peu près 250 impôts, là. Et c'est tiré au hasard, mais c'est pas le public qui choisit. Non, en fait, on a ce qu'on appelle un maître de jeu, okay. qui est ce qu'on peut éventuellement comparer comme l'arbitre en match. On a un maître de jeu qui va diriger donc les impros, les comédiens. Donc on est en équipe, le spectacle se lance par le maître de jeu qui est là pour mettre l'ambiance, etc. Et qui lance sa catégorie, tu ne sais pas laquelle ça va être. Donc par exemple, catégorie toaster. Donc on se met tout en position de toaster, tu vois, donc par terre, à coup, prêt à jumper, Et à partir de là, mais oui, et puis, hop, dès que toast, on ne sait pas qui va se lever en même temps que nous, on ne sait pas si on va être seul, s'il va y avoir deux ou trois. À partir de là, on commence une impro qui est interrompue après. Une fois qu'elle redit toast, on doit se rebaisser. Okay, et l'autre va continuer. Voilà. Okay. Donc ça, c'est plus, tu vois, le côté fun, le côté... Ouais. Mais le côté match, en impro, j'ai jamais adhéré parce que je trouve que faut forcément être bon quand tu te mets comme ça à nu devant le public et de désigner des vainqueurs, des tricheries, des trucs comme ça. Les gens veulent pas du parfait en impro. Non. Ils veulent surtout pas du parfait. Non. C'est ça le plaisir, c'est pas de voir une pièce déjà préparée avec la fin, la chute, j'allais dire le drapeau, mais le rideau, c'est pas ça qu'on veut, c'est vraiment être dans l'action. Bien sûr. C'est ce que, autrement, dans les années 1900 quelques, Artaud voulait, que ce soit le vivant, Antonin voulait que l'art dramatique, que le public embarque avec les comédies. Mm-hmm. Donc, c'est ça l'improvisation. Là. Si moi, ça me plaît pas, avons-nous des claques lors de vos pièces de théâtre pour tirer? Avons-nous quelque chose pour tirer? Non, il n'y a pas ça, non. Mais... Dans les matchs, peut-être. Okay. Parce que j'ai... Okay. Mais dans les spectacles d'impro, non. OK. Ah. Tu vois, par exemple, il y a les gens huent des fois, les gens... Non, parce que c'est pas c'est le très calme, c'est très calme. Oui, puis non, c'est surtout une soirée, on s'amuse, on délire, okay. C'est surtout ça. Il n'y a pas l'esprit de compétition, et c'est surtout... Il y a une troupe d'impro qui fonctionne très, très bien, si tu as l'occasion d'aller les voir, mais bon, là, c'est la trêve d'été, là, ils ont fait leur dernière en juin, c'est les colocataires. OK. Les colocataires... Ah, oui, j'ai vu ça sur Internet. Les colocataires... Eh bien, tu vois, c'est cet esprit-là que j'aime bien dans l'impro. Donc, on est une bande de potes et on va vous faire de l'impro entre nous. Et en fait, du coup, ils ont un thème. Hein, ils sont supposés être une bande de colocataires qui partagent le même appartement avec un profil particulier. La psychorigide, la naïve, celui qui n'arrive jamais à se faire une meuf et tout ça. Donc, profil bien particulier, personnage. Et à partir de là, ça va fonctionner comme des séries presque. C'est-à-dire que tu ne sais jamais, tu veux revenir à chaque fois finalement parce que tiens, qu'est-ce qu'ils vont faire comme conneries cette fois-ci ? C'est plus ce côté-là du spectacle d'impro que j'aime. Et donc là, on est vraiment aux prémices, en fait. Aux prémices de lancer ça. Il faut qu'on trouve notre thème, ce qui nous relie, en fait, ensemble. Le thème de l'impro, en fait. Pourquoi, qu'est-ce qu'on est ? On est des collègues, on est des artistes ratés, on est quoi ? Donc voilà, on en est à ce stade-là. Mais en dehors des improvisations, si tu as 3-4 trucs, projets, représentations, tu as de la mémoire, une mémoire incroyable. Merci Dieu. Mais de ce côté-là, oui, ça va. J'étais assez bien lotie. Il n'y a pas de souci. Et puis non, c'est pas non plus le one. L'humour, c'est pas non plus du Shakespeare. Hein. C'est-à-dire que tu n'es pas contraint de savoir. Je ne saurais pas, je pense pas que je saurais faire du classique dans ce qu'il y a de plus chiant. Je pourrais faire du boulevard et tout, mais le classique ne me correspond pas. Non, mais du le tout. Boulevard, c'est déjà un texte. Bien sûr. Oui, mais c'est pas rigoureux à la virgule près. Tu vois, c'est ça le one. Le one, mais je connais personne en one qui va te sortir le texte à la virgule près. Non, parce que c'est con de faire ça. Tu vis avec le public. Ah oui. Tu réagis sur le moment. Et même la plupart, quand tu vas voir des scènes ouvertes, 80%, donc déjà des gens, c'est du stand-up, souvent des beaux mecs qui arrivent. T-shirt triceps, bien bronzé, qui font 2-3 vannes devant des potes souvent. Et au bout de 2 minutes, même pas 2 minutes, 30 secondes, ils ont déjà un trou de texte. We'll be right back. L'argent n'a pas d'odeur, mais la prison en a une. Tu manges cher, tu douilles cher, pour toutes tes lacunes. Y'a ceux qui sont de passage, et ceux qu'on allume. Combien de fois ma tête se fait la belle, au clair de lune. Toujours rappelé par la pesanteur, comme une enclume. J'ai déjà la tête dehors, tous mes sens se rallument. J'serai plus sous peu dans ce qu'elles sont, dans cette putain de bulle. J'compterai plus les jours, les premières heures sont sans calcul. Ma vie sera ailleurs, comme tous ceux qui sont ici. Les heures d'attente, les bruits de clés, sa mère c'est fini. La liberté aujourd'hui pour moi résonne comme un cri. C'est un jour spécial, c'est mon jour de sortie. C'est mon jour de sortie. La liberté aujourd'hui pour moi résonne comme un cri. C'est mon jour de sortie. C'est mon jour de sortie. C'est un jour spécial, c'est mon jour de sortie. C'est mon jour de sortie. C'est mon jour aujourd'hui. Mon jour de sortie. Mon jour de sortie. Dehors, mais la tête encore dedans. J'ai les lobes constipés, encore pour quelques temps. Tout paraît aller vite et l'euphorie me porte. Mes têtes cramées sont au gardave, y'a toute ma cohorte. On parle comme si j'étais parti, y'a pas 10 minutes. Ça speed, ça jazz, ils me disent qu'ils m'ont amené un truc. Me v'là déjà la tétine dans le bec. C'est un pec, c'est de la frappe qui fait gonfler mes pecs. Il est 9h du mat, j'ai déjà cassé tous mes sermons. Mais c'est ainsi comme ça que je fonctionne. Jamais clean trop longtemps. Et puis je sais ce qui m'attend. J'ai du taf et du tard, tant de mic pour une distribution générale de bar. Lyrica, alors on fait fondre la langue et les amygdales. Ça y est, je réouvre le bouclard. Les MC détalent, apeuré par mon souffle. Car ça sent la fin de partie. C'est mon jour aujourd'hui, mon jour de sortie. Mon jour de sortie. La liberté aujourd'hui pour moi résonne comme un cri. C'est mon jour de sortie. C'est mon jour de sortie. C'est un jour spécial. C'est mon jour de sortie. C'est mon jour de sortie. C'est mon jour aujourd'hui. Mon jour de sortie. Mon jour de sortie. Je m'apprête à faire mon entrée, y'a la foule qui crépite. Mais comme une bête à sang froid, quand je partirai on sera quitte. Mais juste avant je suis électrique et le temps se suspend. J'ai l'impression qu'il y a l'univers entier qui m'attend. Et comme un squad je ne peux aller que de l'avant. Poussé, véhiculé par tous les vents. J'aime ma vie relance car le hip-hop est ma guerre. Les mets au garde, tendu, toujours prêt à croiser le fer. J'ai le hip-hop belliqueux, comme du diable la queue. J'suis bad, bad, quand la France est en feu. MC va te peser, t'es pas dans ta catégorie. C'est mon jour aujourd'hui, mon jour de sortie. Mon jour de sortie. La liberté aujourd'hui pour moi résonne comme un cri. C'est mon jour de sortie. C'est mon jour de sortie. C'est un jour spécial, c'est mon jour de sortie. C'est mon jour de sortie. C'est mon jour aujourd'hui. Mon jour de sortie. Mon jour de sortie. Ça fait partie du stand-up et c'est de plus en plus ça. C'est, le public a envie de participer. Ah, il se plante. Ah, il connaît pas ça. Ah, donc, etc. Donc, le one, pour ça, il n'y a pas de stress de mémoire ou quoi. Oui, il faut quand même savoir quoi dire au bon moment, mais... Mais il y a des gags aussi là, que tu dois sortir à un moment donné pour... tu sais que ce gag-là va fonctionner, donc il faut que tu t'en souviennes pour... Ah oui, bien sûr. Ah oui, là, sinon, après, tu loupes certains effets, mais je dis, il y a... C'est marrant parce que ça, c'est vraiment américain, hein, cette vision-là de l'humour. Hein. Oui, oui, oui. C'est l'humour efficace. Oui. Avec tous les livres qui sont sortis, t'as pas un Français qui a sorti un livre sur l'humour, comment réussir en humour ou quoi, mais tous les bouquins que j'ai vus se balader là-dessus, moi, je suis assez... Ça m'effraie même, ce truc-là. OK. Ça m'effraie de voir même... ils arrivent à faire des schémas, des métriques de sketch qui fonctionnent avec... toutes les 8 secondes, un rire. Ah oui, oui, exactement. Ah, ouais, je ouais. peux pas, moi, ça, je peux ah, pas. Ouais. Il y a peut-être même des gens, il y a des humoristes qui font juste sourire, mais qui sont super appréciés, tu vas voir. Et moi, souvent, ce que je reproche à l'humour actuel, c'est que c'est des vannes en rafale, en fait. Des vannes en rafale, donc tu ressors de là, t'as passé un bon moment. Mais tu dis, qu'est-ce qu'il m'a raconté en fait? Je sais pas, je sais plus. Ah ouais, ouais. Oui, c'est préparé d'avance. Ouais. Il y a 2-3 vannes, mais je saurais pas te dire exactement ce qu'il en ressort. Et ça, moi, je trouve ça frustrant, quoi. Mais c'est comme, bref, un film. À travers un film humoristique, il y a des moments où c'est plus tendre, plus rigolo, plus plus posé, plus relax. Et ça, c'est pendant une heure et quart, une heure et demie. Ah ben, tu voyages dans les émotions. Hein? Oui, c'est ça. Alors donc, toi, ce que tu veux offrir, c'est ça, c'est d'émotions, c'est des tranches de vie, c'est des personnages, c'est des bouts drôles, des bouts tendres, des bouts chantés. Complètement, oui, oui. Éventuellement, bien sûr, c'est de te présenter à Juste pour rire à Montréal, parce qu'il y a... Ah, oh, ce serait fabuleux, ça, mais Juste pour rire, il faut déjà être bien rodé. Ben, pas vraiment. Au début, il y a, ah bon? Il y a des tout nouveaux, des gens qu'on connaît pas, que l'on entend pour la première fois. C'est vrai? Ben oui, il y a des spectacles. On place les nouveaux au début et les grosses locomotives à la fin. Ouais, donc, ouais. Non, il y a plein de noms qui se sont faits là-bas, ici aussi. Hein. Il y a l'école Juste pour rire, ici, à Paris. Oui. Et comme il y a l'école de Jamel, il y a plein de... Et bien, c'est ça, peut-être que... éventuellement, tu seras... Avec grand plaisir. Ben oui, Juste pour rire, c'est quand même... c'est assez charismatique, assez énigmatique. Surtout qu'en faisant plein de choses, à un moment donné, il y a des gens qui vont te reconnaître un peu partout. Ah oui, je l'ai vu là. Ah oui, c'est elle qui fait ah, mais ça. C'est aussi elle, là, mais elle est partout. Ah oui, c'est ça. Mais je suis dans ce caractère-là, moi. Je peux pas juste me contenter d'un truc. Et il y a des projets qui naissent, et il y a des envies qui naissent. Et j'essaye de les mener à bien, et puis... Et voilà quoi. C'est merveilleux. Avant de se quitter, Sophie, j'ai 10 questions que je pose à chaque invité. 10 questions. Donc, soit tu peux y réfléchir, soit tu y vas selon l'instinct, selon... Et j'ai une 11e, 2011, un bonus qui est un flop monumental. Donc, je vais la faire quand même. Ça n'a pas fonctionné depuis... je crois que je suis rendu à ma 8e rencontre et ça n'a pas du tout fonctionné. Ça va peut-être fonctionner. Oui, oui, c'est ça. Ça va peut-être fonctionner avec moi. J'y crois, Rénal. Mais non, mais j'ai dit hier, ça a presque fonctionné. Donc, on était dans le presque. Alors, si tu étais un liquide? Je serais... Ah, bonne question. Je serais un alcool. Oui. Un alcool parce que je pense que c'est le seul liquide qui révèle la face cachée des gens. Donc peut-être un alcool. Laquelle? Quel alcool? Ce serait... Je serais un Pinot des Charentes. Oh. Un Pinot des Charentes parce que voilà. Faut quand même avoir les moyens, c'est pas... Non, bah tout de suite, non. Ah, non, c'est okay. Un alcool de base, mais c'est un vin cuit et moi ça me suffit. Voilà. Okay. C'est un apéritif doux qui me va. Combien de pourcentage de dégâts? Je ne saurais dire, peut-être du 6, du 7. Oh, c'est très relax. Mais c'est très relax. Ok, alors donc on peut pas vraiment voir rapidement l'être derrière. Non, mais je suis quelqu'un qui a horreur de perdre le contrôle. Je n'ai jamais, crois-le-moi, à 41 ans, je n'ai jamais été bourré, raide, je n'ai jamais pris une cuite de ma vie. Ok, bon, c'est bien. Alors, si tu étais... Là, nous sommes ici dans les confidences. Hey yo, Joey, hey Dieng, le hip-hop, il est où, hein? Il est pas à Disneyland, il est juste là. Grand Nord, ça, ça, ça. Du tribut et ne respire que par là. Ce que mon public me boue, me peut, me rend. Avec du fond, du flow et des rimes, c'est clé. J'ai le luxe de faire ce que je suis, contrairement à dos. On s'en fout tout le temps, la rage est mon apôtre. T'es comme tous mes frères d'âme, qu'on la tête dans le game. Je veux pas d'amalgame, parce que c'est toi qui nous mène. C'est la rime, le couplet qui sublime mort. C'est ce que la masse veut, sent et ressent. Je suis pas débondissant, toujours en phase avec moi. C'est l'aspect incontournable de moi. Qui a fait de moi un parano de bonne foi? Sans bien tendu, mais jamais froid. J'ai le manche en main pendant que tu l'articles pas à bout. Je trompe sur la gueule de ta mère et ton trou. Le hip-hop, il est où, la paille? Le hip-hop, il est où, la paille? Le hip-hop, il est où, la paille? Le hip-hop, il est où, la paille? Le hip-hop, il est où, la paille? Le hip-hop, il est où, la paille? Le hip-hop, il est où, la paille? Le hip-hop, il est où, la paille? Le hip-hop, il est où, la paille? Mon art même, c'est la symbiose. Je pratique à l'humeur. Des gommes, des coupes, le beat de MC Boom. Je mets un boom, chakalaka, chaque rime est une claque. T'es un égo maniaque, depuis l'époque de Chief Rocker. J'ai du love pour le hip-hop tatoué sur la peau. Fidèle à mon art, mec, depuis que j'suis ado. A l'aise sur le beat, un peu comme une star du porno. Et après chaque punchline, on va tomber KO. Et on va les patins, le tout.